Amitié ou amour, vous trouverez votre âme sœur sur le 08 92 700 938. Luna, 34 centimes la minute. Nostalgie 19h, Nostalgie Info, Jean-Baptiste Urbain. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir à tous. Premier grand chassé-croisé de l'été, trafic très chargé sur l'île de France. Un incendie atteint le massif de l'Estérel sur la Côte d'Azur. Météo, pluie et grisaille sur toute la moitié nord demain. Ce vendredi est classé orange par Bison Futé et il ne s'est pas trompé. Le trafic est d'ores et déjà très dense sur l'île de France, avec notamment un important bouchon sur le secteur sud du périphérique extérieur. Évitez si possible le contournement est de Paris. En région, il y a des ralentissements à l'entrée de Marseille sur l'autoroute A7. Ça coince aussi à l'entrée de Nantes sur l'A11 en direction de l'Atlantique. Et ce sera encore pire demain avec une journée classée rouge au niveau national et même noir dans le sens des départs en Rhône-Alpes et dans le sud-ouest. Sur le front des incendies, la porte en feu qui s'est déclarée cette après-midi dans un quartier résidentiel de Fréjus dans le Var progresse très vite. Il a longé de nombreuses habitations touristiques et atteint désormais le massif de l'Estérel en direction de Cannes. De nombreuses villas et un camping ont été évacués à titre préventif. Le feu part dans tous les sens sous l'effet d'un vent tourbillonnant, explique les secours. 5 bombardiers d'eau et 400 pompiers sont à pied d'œuvre. Et puis en Haute-Corse, cette fois, l'incendie de la région de Siscaux, qu'on croyait maîtrisé, a fortement repris cet après-midi en raison des rafales qui soufflent sur le maquis. Le Tour de France était aujourd'hui la 18e étape entre Bordeaux et Saint-Mexant-l'École. C'est l'Espagnol Pablo Lastras qui est arrivé le premier. L'Américain Lance Armstrong endosse toujours le maillot jaune. L'Allemand Jan Ullrich est derrière lui à 1 minute et 5 secondes. Demain, l'avant-dernière étape du Tour sera un contre-la-montre entre Pornic et Nantes. Et ce sera donc le dernier grand duel entre Ullrich et Armstrong avant l'arrivée dimanche à Paris sur les Champs-Élysées. Le marché des téléphones portables continue son expansion. Au 31 juin, près de 40 millions de Français possédaient un mobile, soit plus de 65% de la population. La météo, ce sera de la pluie demain sur toute la moitié nord, de belles éclaircies en revanche sur le sud du pays, et même rien que du soleil sur la Côte d'Azur. Les températures le matin de 15 à 24 degrés et de 18 à 36 degrés l'après-midi du nord au sud. Si le ciel est nuageux et s'il ne fait pas chaud, les UV passent quand même et le risque de cancer de la peau persiste. C'était un message du ministère de la Santé et de l'INPES. 19h02 sur Nostalgie, très bonne soirée à tous. Légende française sur Nostalgie. Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roues. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Au bout des marécages.

toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir. Du noir en dedans, chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, chante, chante, ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi qui suis blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge, sans, sans, sans trêve ni repos, qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noirs et blancs sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Nostalgie, c'est certainement un des plus connus, si ce n'est le Toulousain le plus connu. En tout cas, vous avez certainement vu à la télévision qu'à l'instar de Paris, Toulouse vient de s'offrir une superbe plage de sable fin pour cet été. Alors moi je dis, à quand Metz-Plage ou Nancy-Plage? Ben oui, ça ferait du bien, on sortirait comme ça avec nos serviettes, notre parasol sous le bras. Et hop, direction la plage alors qu'on est en Lorraine. Bon, ça n'est pas grave, sur Nostalgie, dépaysement garanti, nous partons pour l'Afrique, rejoindre Michel Sardou avec Afrique Adieu. Il y aura également Mike Brandt pour Rire. Rien qu'une larme dans 100% légende française. Ça y est, enfin les vacances. Il fait beau, il fait chaud, tout est prêt pour des vacances de rêve. Tout, enfin presque. Il ne vous manque plus que Nostalgie dans vos bagages. N'oubliez pas, partout en France, Nostalgie vous accompagne. Retrouvez toutes nos fréquences sur nostalgie.fr. Cet été, la légende se consomme sans modération. Marc, où peut-on trouver du tonus et de la fraîcheur? Facile, dans tous les restaurants Flunch. Correct, mais ne faites pas le malin. Karine, où peut-on trouver de la vitalité et des vitamines? Chez Flunch. Correct, et vous en avez besoin. Marc, où peut-on jouer la carte du bien-être? Chez Flunch. Bah voilà, pour une fois, vous avez tout compris. Flunch, c'est cette famille pour votre bien-être. Allez, au revoir. Poissons, grillades, plats cuisinés, fruits, boissons, glaces, légumes à volonté. Cet été, pour échapper à Laurence Boccolini, jouez la carte du bien-être chez Flunch. Oh, pardon madame, je suis désolée. Oh, c'est toi Julie. Mais comment tu vas? Bien Sophie, et toi? Oh, mais je vois que tu as acheté du poisson. Tu te lances dans la grande cuisine? La grande cuisine, mais attends, tu plaisantes. C'est du saumon de Norvège. En brochette pour le barbecue, il n'y a pas plus simple et c'est royal. Des brochettes de saumon de Norvège? Ben oui, bon, je sais pas encore comment je vais les préparer. Soit marinées aux herbes, soit panées aux graines de sésame. Panées aux graines de sésame? Alors là, tu m'épates. Ben, il n'y a pas de quoi, c'est tout simplement un rat. Table. Et en plus, toutes les recettes sont dans ce livret. Le saumon de Norvège à l'heure du grill et du barbecue. Mais où as-tu déniché cette petite merveille? C'est mon poissonnier qui me l'a offert. Et en plus... Bon, bah, je te laisse, hein. Je vais vite en prendre un avant qu'il n'y en ait plus. On se téléphone. Non, mais attends. Tu peux aussi retrouver toutes ces recettes sur saumondenorvège.com. Hé. Saumon de Norvège, en direct des fjords. Livret recettes gratuit, disponible dans les points de vente participant à l'opération. Retrouvez toutes les recettes sur saumondenorvège.com. C'est l'été, c'est les vacances et c'est le moment où jamais de faire de nouvelles rencontres sympas. Alors moi, j'ai deux propositions à te faire. Soit tu appelles le 0892 69 15 25 et là, c'est des dialogues sympas à assurer. Soit tu envoies le mot « ami » au 61 900 par SMS et à toi les contacts près de chez toi. Alors t'as bien retenu ? 0892 69 15 25 par téléphone ou le mot « ami » par SMS au 61 900. Tu vas adorer. 34 centimes la minute. Avec la carte fidélité Intermarché et Écomarché, vous ne perdez jamais les euros cumulés, car vous pouvez les utiliser quand bon vous semble et pour acheter ce que vous voulez sans limite de temps. René ? Quoi ? Ça marche pour la crème solaire ? Bah bien sûr, tu vas aller à la plage ? Oh oui, et dis-moi, ça marche aussi sur les chewing-gums à la menthe ? Bah oui, pourquoi ? Le prends pas mal, c'est pour toi, René. Ah bon, pourquoi ? Intermarché, donnant plus à celle qui donne tant. Sauf livres et carburant, voire conditions dans les magasins participants. C'est quoi ce numéro de téléphone ? Fait 3617 ANU. Mais je sais, mais j'ai pas de Minitel. Mais ANU, c'est aussi par téléphone au 3217. Tu veux dire qu'en faisant le 3217 sur un téléphone fixe ou mobile, je peux avoir les coordonnées d'une personne à partir de son numéro ? Oh, c'est génial ! Mais ça doit coûter cher. Pas du tout, c'est au tarif local de France Télécom. Et c'est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Par téléphone, c'est au 3217. 3, 2, 1, 7, tout simplement. Édité par Ilial. Vous avez toujours préféré les politiques de dissuasion à celles d'agression. Pendant les travaux d'été avec Leroy Merlin, passé maître dans l'art de la dissuasion grâce au pack à l'arme Tanit. Évolutif et facile d'emploi, Tanit protège toutes les zones sensibles de votre maison pour 1090 euros. Avec Leroy Merlin, vivons en paix. Les travaux d'été du 25 juin au 18 août, vous avez 2 mois pour réaliser vos projets. Leroy Merlin. Et vos envies prennent vie. 100% légende française. De 19h à 22h, Nostalgie vous offre les plus belles chansons françaises.

ce serait pas idiot de faire des stocks de lessive parce qu'un nouveau-né, ça fait beaucoup de linge sale. Comment ça? Bah, tu sais, avant d'être tout à fait propre, les enfants sont un peu cochons. Comment ça, mon momie serait sale? Enfin, Philippe, bébé pas étanche. Quand bébé mange, bébé en met partout. Oh, bébé étrange! Bébé normal! Du 23 juillet au 2 août, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. Le baril de 72 mesures de lessive en poudre Persil au savon de Marseille est à 13,44€, soit 1,78€ le kilo avec 2,20€ de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Bébé propre! Déjà un an que François est en rééducation. Peut-être pourra-t-il recourir un jour. Parce qu'avant, François courait le semi-marathon en 1h30. D'ailleurs, c'est en allant à un meeting d'athlétisme qu'il a eu son accident. Il voulait arriver tôt, alors il a roulé un peu plus vite que d'habitude et loupé un virage. Il ne savait pas qu'à 100 km/h au lieu de 90 sur route, on ne gagne pas plus de 7 minutes pour un trajet de 100 km. Et 7 minutes, c'est important dans une course. Mais un peu moins à l'échelle de la vie. Sécurité routière, changeons. C'est l'été, c'est les vacances et c'est le moment où jamais de faire de nouvelles rencontres sympas. Alors moi, j'ai deux propositions à te faire. Soit tu appelles le 0892 69 15 25 et là, c'est des dialogues sympas à assurer. Soit tu envoies le mot « ami » au 61 900 par SMS et à toi les contacts près de chez toi. Alors t'as bien retenu ? 0892 69 15 25 par téléphone ou le mot « ami » A-M-I par SMS au 61 900. Tu vas adorer. C'est 34 centimes la minute. Nostalgie à Nancy sur 95.3. Le samedi 26 juillet, Walibi Lorraine présente Night Fever et fait revivre les années 80. Avec Patrick Hernandez, Imagination, Steffi Morgan et Tribute to Boney M. Le 26 juillet à Mézières-les-Metz, Walibi Night Fever. Le French Cancan a ouvert ses portes. Venez y découvrir sa French cuisine dans le respect de la tradition. Le charme des années 30 dans son cadre de verdure et sa terrasse en plein air. Dîner piano-bar en musique autour de la chanson française des années 30 à nos jours avec pianiste et chanteur tous les vendredis et samedis soirs. Ouvert les soirs du jeudi au dimanche et le dimanche midi. Sur réservation pour les groupes. Restaurant Le French Cancan sur les hauteurs du plateau de Malzéville 03 83 21 70 22. La Chamade, votre boutique de prêt-à-porter féminin, vous accueille à Nancy. Dans un cadre lumineux, découvrez les nouvelles tendances automne-hiver 2003. Parce que vous êtes toutes uniques. La Chamade se décline en plusieurs styles. Jean-Louis Scherrer, Claire, Versé, Caroline Romer, Sportswear, Pauline, Joseph Ritkoff, Caroline Lotti. La Chamade, 28 rue du Pont-Mougin à Nancy. Nostalgie et l'Eurotournoi présente la 10e édition de l'Eurotournoi Handball Strasbourg 2003 du 27 au 30 août. Fêtez le 10e anniversaire de l'Eurotournoi dans le nouveau Hall Rhenus avec des clubs exceptionnels dont Montpellier, champion d'Europe et champion de France 2003, Moscou, champion de Russie, Göteborg, champion de Suède et le gratin du hand européen. L'Eurotournoi Handball Strasbourg 2003 du 27 au 30 août, un événement Nostalgie. Avec la participation de la ville de Strasbourg, de la région Alsace et du Conseil général du Bas-Rhin. Faut que je fasse faire la vidange de ma voiture et c'est à l'autre bout de la ville. Va chez Mini Alex, c'est tout près. Mais non, ma voiture c'est une... Mini Nancy fait l'entretien et le service rapide toute marque. Et pour toi qui travailles, c'est pratique. Tu peux y aller sans rendez-vous et c'est ouvert dès 7h30 et le samedi jusqu'à 12h. Mini, votre concessionnaire Fiat, Alfa, Lancia et service rapide toute marque. Mini Automobile, avenue de la Résistance à Nancy-Laxou. Autoradio, Ifi, guitare. AZ Cash, HS Cash, ce qui vous embarrasse. AZ Cash, à Nancy et Vendeuvre, 03 83 55 55 55. Aménager les extérieurs. D'aller une allée. Poser un portail. Créer une terrasse. Chez Point P, nous vous aidons à réaliser tous vos travaux avec les conseils de pros. Vous aussi, profitez des conseils Point P. Pour tous vos projets d'aménagement intérieur ou extérieur. Une nouvelle salle de bain. Une chambre avec du parquet. Des portes et fenêtres isolantes. Chez Point P, appuyez-vous sur des pros. Point P. La réponse professionnelle. Jusqu'au 30 août, profitez vite des offres spéciales Point P à Nancy, Ludres, Damleuvière, Toul et Jarville. De Gentilly à la rue Gourmande, écoutez Nostalgie à Nancy sur 95.3. Légende française sur Nostalgie. Un beau

l'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur amie, que je suis leur amie. Christophe sur Nostalgie avec les marionnettes tout à l'heure. Lucky Blondeau est dans les médias, c'est Décriveur sur Nostalgie. De ton visage à mon village, il y a cette rivière qui coule toute la nuit. Entre tes yeux et le mien qui pleure, il y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer. Faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser. Faire un pont pour de bon. J'ai essayé de naviguer vers d'autres cœurs, mais le tien chante si fort. Entre nous deux et le monde entier, il n'y a qu'une rivière pour nous séparer. Ton prénom, le traverser pour t'embrasser, faire un pont pour te prendre. Chansons françaises sont sur Nostalgie. Nostalgie. Sur ton visage, une larme vient de couler

ex-fan des 60s, Jane Birkin sur Nostalgie. Nous continuons notre soirée en musique avec France Gall et puis nous irons faire un petit tour sur le chemin de papa aux côtés de Joe Dassin. Excellente soirée, bon début de week-end partout en Lorraine sur Nostalgie. Il est pile 20h. Légende française sur Nostalgie. Thank you.

tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, je j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Que j'aime ta couleur café. Nostalgie, une petite touche d'exotisme, ça ne fait jamais de mal. La couleur café à l'instant, Serge Gainsbourg au rendez-vous. Il y aura tout à l'heure Francis Cabrel avec la Dame de Haute-Savoie et Daniel Guichard pour la tendresse. Et puis n'oubliez pas qu'à partir de 22h, vous retrouvez vos dédicaces sur Nostalgie pour envoyer un message 0892 68 0505. Nostalgie, partenaire de la Française des Jeux. Partez en vacances avec la chance jusqu'au 15 août du Touquet à Nice. L'été Française des Jeux, c'est des tournois de foot et de volley sur la plage. Des jeux, des cadeaux par milliers et tous les soirs, le grand quiz Success Légende Nostalgie. Les voix de la chance, un tremplin de nouveaux talents suivi d'un grand spectacle gratuit, le rêve fantastique. L'été Française des Jeux avec Citroën et Nostalgie. Nathalie est en réanimation. On ne sait pas encore si elle va s'en sortir. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'elle voulait arriver au bord de la mer avant le coucher du soleil, pour bronzer un peu dès le premier jour. Ce qui explique pourquoi elle roulait si vite sur l'autoroute et qu'elle n'a pas pu éviter cette voiture. Mais en roulant à 150 km/h au lieu de 130, on ne gagne que 6 minutes sur un trajet de 100 km. Et ça, Nathalie ne devait pas le savoir. Car qui prendrait un risque pour 6 minutes de soleil? Sécurité routière. Changeons. C'est l'été, c'est les vacances et c'est le moment où jamais de faire de nouvelles rencontres sympas. Alors moi j'ai deux propositions à te faire. Soit tu appelles le 0892 69 15 25 et là c'est des dialogues sympas assurés. Soit tu envoies le mot ami au 61 900 par SMS et à toi les contacts près de chez toi. Alors t'as bien retenu ? 0892 69 15 25 par téléphone ou le mot ami, A-M-I, par SMS au 61 900. Tu vas adorer. 34 centimes la minute. Bon alors moi, cette année, hors de question de passer mes vacances en cuisine pendant que tout le monde profite du soleil dehors. Cet été, c'est barbecue à fond. T'as raison Sophie, mais entre nous, sortie des viandes, des saucisses et des merguez, c'est pas trop top pour la ligne tout ça. Mais Julie, qu'est-ce que tu fais du saumon de Norvège? Et puis tu connais bien le dicton, le poisson le plus gras est moins gras que la viande la moins grasse. Oui, ça je sais. Et en plus, dans le cas du saumon de Norvège, les graisses qu'il contient, appelées oméga 3, sont une source de bienfaits pour notre santé. Attends, explique un peu. Bon, c'est fait court. Mmh. Les oméga 3 réduisent la formation de caillots dans les artères, régularise le rythme cardiaque et contribue à la prévention de l'athérosclérose et du vieillissement. T'as fait médecine ou quoi? Non, mais je peux te prescrire du saumon de Norvège au grill et au barbecue. Tellement savoureux et rapide à préparer. Succès garanti. Allez, on commence quand? Alors les filles, ça papote? Ce soir, tu vas voir, ils vont être bluffés. Saumon de Norvège, en direct des fjords, livret recette gratuit, disponible dans les points de vente participant à l'opération. Retrouvez toutes les recettes sur saumondenorvège.com. C'est quoi ce numéro de téléphone? Fait 3617 ANU. Mais je sais, mais j'ai pas de Minitel. Mais ANU, c'est aussi par téléphone au 3217. Tu veux dire qu'en faisant le 3217 sur un téléphone fixe ou mobile, je peux avoir les coordonnées d'une personne à partir de son numéro? Oh, c'est génial! Mais ça doit coûter cher. Pas du tout, c'est au tarif local de France Télécom. Et c'est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. ANU par téléphone, c'est au 3217. 3, 2, 1, 7, tout simplement. Édité par Iliad. 100% légende française sur Nostalgie.

American man, j'ai vu.